Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, cinquième volet de notre série Les Sports Sensibles, ou l'histoire tourmentée d'Oscar Pistorius. La vie de ce sportif de haut niveau ressemble à un scénario de film hollywoodien. Comment un athlète handicapé qui multipliait les médailles est-il passé de la ferveur des stades olympiques à l'atmosphère sentencieuse des prétoires ? C'est précisément l'histoire d'Oscar Pistorius, star international de l'athlétisme, né handicapé de deux jambes et équipé de prothèses qui le faisaient courir à la vitesse d'un guépard. Un champion paralympique multicouronné qui finira même par s'hisser à la hauteur des coureurs valides en se qualifiant pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Mais sa vie va basculer un jour de février 2013, le jour où il tire quatre balles sur sa petite amie, le top modèle Reva Steenkamp, dans sa demeure somptueuse de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. Pourquoi ce geste? Quelle est donc cette cassure dramatique et fatale? De sa fulgurante ascension jusqu'à son inexorable décadence, Oscar Pistorius, ou la trajectoire d'une star déchue? Notre invité aujourd'hui, Nicolas Herbelot, journaliste à l'Équipe, spécialiste de l'athlétisme. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Oscar Pistorius, né le 22 novembre 1986. Il voit le jour sans péroné et avec deux orteils au bout de chacun de ses pieds atrophiés. Ses parents, propriétaires d'une mine de zinc, avaient le choix entre le condamner à vie à la chaise roulante ou avoir recours à l'amputation et de le faire équiper de prothèses. Ils optent pour la deuxième solution. À 11 mois, en octobre 87, Oscar est amputé des deux jambes, juste au-dessous des genoux. L'enfant apprend très vite à dépasser son handicap. Comme il le raconte dans son autobiographie intitulée « Courir après un rêve » aux éditions de l'Archipel. À 17 mois, j'ai eu mes premières prothèses. Elles étaient faites sur mesure pour mes jambes et je les trouvais super pratiques. Dès lors, je suis devenu invincible, un vrai sauvage. Je cherchais les endroits les plus incroyables pour grimper ou courir. Il fallait que je libère ma force vitale. J'avais des jambes pour ça, des jambes capables de m'emmener où je voulais. C'est dans cette période, me semble-t-il, que ma personnalité s'est formée, que ma famille a jeté les bases de mon tempérament de compétiteur, de l'homme que je suis devenu. Étudiant à la faculté de Pretoria, Oscar grandit dans le sport. Tennis, water-polo, rugby, dont il fera son sport fétiche, forcément sud-africain qu'il est. Son pays est une étoile de ce sport, trois fois champion du monde. Survient alors ce qui sera pour Oscar le drame de sa vie, la mort de sa mère alors qu'il a 15 ans. C'est en mars 2004 qu'il se met à l'athlétisme, contraint et forcé suite à une grave blessure au genou survenue lors d'un match de rugby. Six mois plus tard, il débarque aux Jeux paralympiques d'Athènes. À la surprise générale, il remporte une médaille de bronze aux 100 mètres et l'or aux 200 mètres, explosant au passage le record du monde de sa catégorie en 21 secondes et 97 centièmes. Pistorius maillot vert qui sent regarder la pression extraordinaire de vélocité d'Oscar Pistorius. Attention chrono, attention chronomètre pour le Sud-Africain, record du monde. Jean Minier, directeur du département haut niveau de la Fédération Française Handisport, commente. Il a créé non pas un choc, mais un tremblement de terre. Tout le monde a compris que le Jesse Owens ou le Carl Lewis de l'athlétisme handisport était né. Paradoxalement, ce niveau de performance jamais atteint par un athlète non valide s'explique par la gravité exceptionnelle du handicap d'Oscar Pistorius. La plupart des adversaires de celui qu'on surnomme maintenant Blade Runner, le coureur sur lame, référence au film de Ridley Scott avec Harrison Ford, ne sont amputés que d'une jambe, ce qui constitue finalement un second handicap, en tout cas pour le sport. Pour Patrice Gergès, directeur technique de l'athlétisme handisport français, l'origine des performances de Pistorius tient au fait qu'il a été amputé très bas, juste au-dessus des chevilles. Et les deux, ce qui lui permet, à la différence de bon nombre de ses concurrents, de ne pas porter de genouillère qui entrave le cycle de la jambe. Enfin, il a été opéré très tôt, ce qui explique sa prodigieuse adaptation aux pieds artificiels. En 2005, il revient d'ailleurs sur ce point pour le Daily Telegraph. « Ok, je n'ai pas de jambes, mais j'ai d'autres capacités. Et je suis capable de faire plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Je ne sais pas, moi, ce que ça veut dire d'avoir de vraies jambes. Je n'en ai jamais eu. Je ne ressens pas physiquement cette différence. » Oscar Pistorius brûle les étapes. Il va devenir un athlète professionnel sous la houlette d'un coach méritant et réputé, Hampi Lowe. Oscar multiplie les records du monde, 26 au total, dans la catégorie handicapé amputé. Désormais, courir contre les handicapés ne le suffit plus. Il veut se mesurer aux valides. Et il y parvient. Il termine deuxième du 400 mètres des championnats d'Afrique du Sud en mars 2007, obtenant même sa meilleure performance au qualif avec 46 secondes et 34 centièmes. Les meetings européens se l'arrachent. Il l'invite, le rétribue, aménage, course et honneur à sa mesure. Pistorius est en train de devenir la coqueluche des stades. Et les surnoms pleuvent. Outre Blade Runner, on l'appelle aussi la gazelle sans jambes ou la chose la plus rapide du monde. Oui, la chose, elle est grande. Mais un climat de suspicion se fait sentir depuis sa performance remarquée au championnat du monde d'Afrique du Sud de 2007. L'AIFA, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, édicte un nouveau règlement interdisant, je cite, « tout dispositif contenant ressort, roue ou autre élément fournissant à l'utilisateur un avantage sur un autre athlète n'utilisant pas ce matériel ». Seraient d'abord visés les gadgets que certains équipementiers installeraient dans les chaussures, qualifiées de chaussures à ressort. Autrement dit, dans leur esprit un peu dérangé, le coureur handicapé est favorisé. C'est un nouveau concept. Pistorius se sent visé, bien sûr, par ce nouveau règlement. Et voyant le doute s'installer, il réagit. S'ils avaient voulu travailler en concertation avec moi, les dirigeants de l'AIFA m'auraient contacté plutôt que de commencer à édicter un règlement me bannissant. C'est désolant. Discriminatoire et tout sauf professionnel. Ils ont peur de ce qu'ils vont trouver. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas mon appareillage qui me fait aller si vite. Et à la veille du meeting international de Rome, le 13 juillet 2007, il est plus que jamais déterminé, même s'il confie son trac au micro de France 2. Je suis vraiment impatient. C'est ma première course internationale avec les valides. Donc évidemment, je suis très nerveux. J'ai des papillons dans le ventre, mais j'ai travaillé pour cela depuis 3 saisons et demie. Le lendemain, Pistorius est dans les starting blocks pour l'épreuve des 400 mètres, uniquement entouré de valides. Après un départ calamiteux, il s'affiche bon dernier à l'entrée de l'ultime ligne droite. Mais alors que ses adversaires, asphyxiés, marquent le pas, lui rebondit comme une balle et en coiffe 6 au poteau. Il termine deuxième de la course. Les critiques se mettent alors à fuser et tous les regards convergent évidemment vers les prothèses du Sud-Africain. Fabriquées par la firme islandaise Hosur, ce sont des lames de carbone high-tech spécialement conçues pour le sport, très résistantes et très élastiques. Elles sont baptisées Chata, ce qui signifie « guépard » en anglais. Oscar lui-même tente de se défendre comme il peut. Mes jambes sont passives. Ce n'est pas un avantage, je n'ai pas de cheville, pas de mollet. Je ne sens pas bien mon pied sur la piste. Mon cerveau ne récolte pas d'infos sur ce qui se passe sous mes semelles. Il y a aussi moins de sang dans mon corps. Je dois plus solliciter le reste de mon corps pour réussir à avancer. Interrogé sur l'avantage que ces lames pourraient lui procurer, décidément cette idée absurde à la vie dure, bien que, je dis bien que parce que l'intéressé lui-même ne nie pas, et il répond, oui c'est évident, ces prothèses donnent un sacré rebond. Bien, si c'est comme ça. Alors la grogne des athlètes valides commence à monter. Pistorius est montré du doigt et l'AIFA est saisi. Il y a urgence à faire toute la lumière sur cette histoire. Car Pistorius se rapproche des minima olympiques avec 45 secondes 95 centièmes sur 400 mètres. S'il s'agissait d'un athlète standard, ces dixièmes de seconde représenteraient des années de travail. Mais Pistorius est tout sauf un athlète standard, de son physique de beau gosse jusqu'à ses orteils en carbone. L'enquête est confiée à l'Institut de biomécanique de l'Université de Cologne. Le professeur Brugmann, qui mène les recherches, rend son rapport fin 2007. Celui-ci est très clair. Pistorius est avantagé par ses prothèses. Leur qualité de rebond fantastique permet à l'athlète de garder de l'énergie et de finir ses 400 mètres comme un missile, alors que les autres concurrents fatiguent. Quand les mollets des coureurs sont tétanisés à partir de 250 mètres, les lames de carbone, elles, gardent leurs propriétés intactes jusqu'au dernier mètre. Pistorius est ainsi le seul spécialiste du 400 mètres à courir un deuxième 200 mètres plus rapide que le premier. Et le rapport conclut, un athlète utilisant ses prothèses bénéficie d'un avantage mécanique évident de plus de 30% comparé à quelqu'un qui n'en utilise pas. Conclusion, et on n'en sort pas, dans le sport, mieux vaut être handicapé que valide. Et ce n'est pas fini. On soumet le cobaye Pistorius à des tests d'effort en laboratoire. D'où il ressort qu'il a autant de force pure qu'un coureur valide, mais moins d'endurance. Il devrait normalement s'effondrer. Or, il n'en est rien. Conclusion de la conclusion, eh bien rien. Le mystère demeure. Mais comme en absurdie, rien ne s'arrête jamais, et comme il se trouve que le règlement de l'AIFA interdit tout accessoire améliorant la performance, Pistorius est interdit de Jeux Olympiques de Pékin avec les valides. Car il faut bien que les valides en question aient droit à l'égalité des chances, après tout. L'athlète fait appel de la décision. Ses avocats brandissent le fait que l'expertise allemande, si elle n'est pas fausse, est insuffisante. Et surtout, pour Pistorius, participer aux Jeux de Pékin est un objectif majeur, comme il le déclare en 2007. Je ne me considère pas moi-même comme un handicapé. Je me vois comme un athlète et les JO, c'est le plus grand événement sportif de la planète. Donc j'ai envie d'y participer comme n'importe quel sportif de haut niveau. Pourquoi devrais-je être traité différemment ? Décrocher son billet aux Jeux Olympiques à Pékin, Oscar Pistorius commande d'autres mesures à des chercheurs américains qui contredisent les conclusions du professeur Brugman. Dans la foulée qui l'agrande, l'athlète dépose un recours au tribunal arbitral du sport. Bon réflexe. Les conclusions rendues le 16 mai 2008 lui donnent raison. Si Oscar Pistorius réussit les minima, il pourra participer aux Jeux Olympiques en individuel. Mais il faut d'abord passer par les qualifs. Ça passe ou ça casse? Là, ça casse. On ne verra sans doute pas ces fameuses prothèses à Pékin. Athlé, meeting de Lucerne en Suisse. Troisième du 400 mètres, Oscar Pistorius rate sa dernière chance de qualification pour les Jeux. En 46 secondes 25, le Sud-Africain améliore son record personnel, mais reste à 7 dixièmes des minima olympiques. Sa performance pourrait toutefois lui permettre d'intégrer le relais 4x400. 70 centièmes de seconde. Qu'importe, Pistorius aura sa revanche en septembre de la même année. Aux Jeux paralympiques, il y décrochera l'or aux 100, 200 et 400 mètres. À son retour au pays, c'est un triomphe, comme il l'écrit dans son autobiographie. Je ne me rendais pas compte à ce moment-là, mais ma vie venait de changer à jamais. Soudain, j'étais devenu célèbre. Les médias avaient fait de moi une sorte de héros pour les handicapés du monde entier. Partie inconnue, je croulais désormais sous les demandes d'interview. C'était complètement nouveau pour moi. Désormais, Oscar Pistorius va pouvoir concourir face à des valides sans que ses capacités d'athlète soient remises en cause. En 2011, il se qualifie pour les championnats internationaux de Daegu en Corée du Sud. S'il passe son tour en individuel sur 400 mètres, il concourt pour les qualifications du 4x400 mètres. Mais ses entraîneurs ne le retiennent pas pour la finale. C'est donc depuis les tribunes qu'il voit ses camarades prendre la deuxième place derrière les Américains. Mais comme il a pris part aux séries, il entre quand même dans l'histoire, en devenant le premier handicapé médaillé à des championnats du monde valides. Et toutes les performances des sportifs handicapés Pistorius sont validées. Ce sera désormais la règle. This race is a prophecy. Run, boy, run. break out from society. Always an awful day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Londres 2012, les portes de JO s'ouvrent pour Oscar Pistorius. Il devient le premier athlète ayant les deux jambes amputées à participer aux Jeux. Lorsqu'il se présente sur la piste, une immense clameur accompagne son arrivée. Il est fêté en héros. Mais la chance ne va pas lui sourire. Au 400 mètres, il finit dernier et au 4x400, son équipe termine 7e. Là encore, il prendra sa revanche aux Jeux Paralympiques. S'il est disqualifié au 100 mètres, il décroche l'or aux 4x100 et aux 400. Mais arrivé seulement second aux 200 mètres, il s'avère mauvais joueur. Il accuse le gagnant, le Brésilien Alan Oliveira, d'avoir eu des prothèses plus longues que celles autorisées. Un comble. Conscient de sa maladresse, lui qui a eu tant de mal à faire valider ses propres prothèses, il s'excuse platement le lendemain. Entre-temps, notre homme est devenu un people. En 2010, il participe à la version italienne de Koh-Lanta. En 2011, il fait la couverture de Men's Health Afrique du Sud. Et la même année, il est désigné l'homme le mieux habillé par le magazine GQ. Début 2012, c'est à la version transalpine encore de Danse avec les Stars qu'il prête son concours. Et à la fin de cette année, décidément faste, il est l'invité du très célèbre talk show animé par Jay Leno aux États-Unis. En février 2013, Nike, l'équipementier de Pistorius, diffuse à large échelle une pub dans laquelle l'athlète sud-africain fait une apparition courant à toute vitesse sur une piste. Le slogan de cette réclame, « Mon corps est mon arme ». Mieux, sur le site du champion, on peut voir un cliché le représentant sous cette phrase « Je suis une balle dans le barillet ». Cruelle ironie du sort et du sport, Pistorius va passer le lendemain 14 février, jour de la Saint-Valentin, de la page sportive à celle des faits divers. Dans la nuit du mercredi au jeudi, sa compagne est retrouvée morte dans la luxueuse résidence de l'athlète. Reva Steenkamp aurait reçu 4 balles, dont au moins une dans la tête. Ce sont des voisins qui ont alerté la police après avoir entendu des cris et des coups de feu de la nuit au domicile du champion. Les enquêteurs retrouvent sur place le pistolet d'Oscar Pistorius, un calibre 9 mm. Dès le matin du 15 février, il est traîné au tribunal. En plein tribunal, Oscar Pistorius s'effondre. Des larmes, alors que le juge vient d'officiellement l'inculper pour le meurtre de sa compagne. Dans la salle, des journalistes, mais aussi ses proches venus le soutenir. Au premier rang, son père tente de le prendre par le bras. Oscar Pistorius est reconduit en cellule. La nouvelle provoque un coup de tonnerre dans toute l'Afrique du Sud où Pistorius est une star. Comment témoigne cette passante ? C'est quelqu'un qu'on aimait tellement. On ne pensait pas qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. C'est vraiment tragique, nous sommes déçus. Derrière la figure héroïque d'Estade, commence à se profiler un tout autre personnage. Une source d'inspiration pour de nombreux sportifs, mais derrière la force de caractère se cachait un homme paranoïaque, obsédé par la sécurité et par les armes qu'il n'hésitait pas à exhiber sur son compte Twitter. Le parquet ne croit pas à la thèse de l'accident. Il va même demander à requalifier l'affaire en meurtre avec préméditation. Mais l'athlète réfute l'accusation de meurtre. Selon lui, s'il a tiré dans la porte de la salle de bain où se trouvait Reva, c'est qu'il l'a prise pour un cambrioleur. Dans un pays, l'Afrique du Sud, gangréné par la criminalité, 4 millions d'armes à feu sont en circulation, où chaque année on dénombre 15 000 meurtres et 48 000 viols, cette histoire touche un point sensible. Tous ceux qui peuvent se le permettre protègent leur maison par de hautes barrières électriques ou font appel à des services privés. Justement, Oscar Pistorius vivait avec sa compagne dans une maison entourée de murs imposants au cœur du quartier huppé, moderne et ultra sécurisé de Silver Woods, à Pretoria. La victime, Reva Steenkamp, avait 29 ans, soit 3 ans de plus qu'Oscar. Ils sortaient ensemble depuis seulement 3 mois. Ils se sont rencontrés lors d'une course de voiture organisée par un ami de Pistorius. Celui-ci est footballide, il en possède plusieurs, et Reva faisait partie des mannequins recrutés pour agrémenter la soirée. Entre Oscar et Reva, c'est le coup de foudre. Elle était un top modèle très célèbre en Afrique du Sud, elle a été élue comme l'une des 100 mannequins les plus sexy du monde. Elle participait par ailleurs à une émission de télé-réalité sur la chaîne nationale SABC1. Diplômée de droit, militante de la cause féminine, elle voulait devenir avocate pour défendre les femmes battues ou violées. Quelques jours avant sa mort, elle publiait sur sa page Facebook ce message « Aujourd'hui, je me suis réveillée dans une maison sûre et heureuse. Cela n'arrive pas à tout le monde. Alors, élevez votre voix contre le viol en Afrique du Sud. » Sur un tout autre ton, la veille de son décès, elle s'interrogeait sur Twitter. Qu'est-ce que vous avez comme surprise pour votre amoureux demain? Ce devrait être une journée d'amour pour tout le monde, qu'elle soit bénie. Dans les jours qui suivent l'interpellation d'Oscar Pistorius, la presse sud-africaine fait immédiatement descendre le héros national de son piédestal. Blade Runner devient Blade Gunner, littéralement le tueur sur l'âme. Les médias rappellent son accident un jour de 2009, lorsqu'il avait jeté son hors-bord sur une jetée en état d'ébriété. La même année, il avait passé une nuit en garde à vue pour avoir agressé une fille de 19 ans lors d'une soirée. Enfin, le journal Star note qu'il aurait tiré dans le mur d'un restaurant de Johannesburg 2 semaines avant le meurtre présumé de sa compagne. À Pretoria, une source proche de l'enquête révèle que la police aurait découvert au domicile de l'athlète des stéroïdes. Son comportement à la limite de la démence, ses excès de rage et ses pertes de contrôle ne seraient que les effets secondaires d'une consommation d'anabolisants. Derrière l'image d'un athlète attachant tel qu'il s'affichait sur les stades, se profile maintenant le portrait d'un homme aussi imprévisible qu'inquiétant. 5 jours après le meurtre de Reva Steenkamp, les enquêteurs révèlent les détails de cette nuit de la Saint-Valentin. Dans la soirée, une dispute éclate, les voisins se plaignent du bruit. On savait qu'Oscar Pistorius avait tiré une première balle depuis sa chambre. Son ami se serait alors réfugié dans la salle de bain. Il aurait tiré 3 autres coups à travers la porte. L'athlète a même peut-être frappé la jeune femme avec la batte de cricket retrouvée couverte de sang. Sa tête a été écrasée, raconte l'hebdomadaire City Press. Au petit matin, Pistorius aurait appelé son père, lui demandant de venir au plus vite. Lorsque sa famille arrive, il descend l'escalier dans ses bras, sa petite amie qui respire encore. Au matin du 19 février, s'ouvre au tribunal une audience durant laquelle la libération sous caution de l'athlète doit être décidée. La salle est pleine à craquer de journalistes, de photographes et de curieux venus assister à l'audition publique. Parmi l'assemblée, le clan Pistorius est venu en nombre. Ils sont 20 à le soutenir, à commencer par sa petite sœur, Aimée, 24 ans, et son frère aîné, Karl, 28 ans. Son père, Henke Pistorius, 59 ans, est également présent. Devant ses juges, Pistorius, en larmes, va s'en tenir à la version de l'accident. Il rappelle qu'il a reçu plusieurs fois des menaces de mort et qu'il a été victime de plusieurs cambriolages. Raison pour laquelle il garde toujours son pistolet à portée de main, sous son lit. Dans la nuit, il dit s'être souvenu qu'il avait laissé un ventilateur sur son balcon. Alors il s'est levé pour aller le chercher. En refermant la porte-fenêtre, derrière lui, il a entendu du bruit dans la salle de bain. À l'audience, il déclare. J'étais terrifié. J'ai cru que quelqu'un était entré par la fenêtre de la salle de bain. J'ai saisi mon 9 mm, j'ai crié à ceux ou ces individus de sortir de chez moi et j'ai hurlé à Riva d'appeler la police. J'ai tiré sur la porte des toilettes et j'ai à nouveau appelé Riva. Elle n'a pas répondu. Il faisait nuit noire et je croyais que Riva était couchée. Quand je suis revenu au niveau du lit, je me suis aperçu que ce n'était pas le cas. C'est alors que je me suis rendu compte que c'était peut-être elle qui était dans les toilettes. Difficile à admettre. Outre son incapacité à se rendre compte que sa compagne n'était pas près de lui quand il s'est éloigné arme à la main, qui pouvait croire qu'un cambrioleur s'est caché dans les toilettes ? Et Oscar a bien appelé sa compagne pour qu'elle prévienne la police. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu ? Très vite, sa version des faits déclenche la risée sur les réseaux sociaux. La photo d'une porte de salle de bain sur laquelle est écrit « Te, ne tirez pas, je suis dans les toilettes » devient virale. Les avocats de Pistorius obtiennent tout de même sa libération sous caution, moyennant la somme de 86 000 euros, ce qui représente une fortune en Afrique du Sud. La date de son procès est fixée au 3 mars 2014. Il encourt la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 25 ans. En l'absence de jurés populaires, c'est la juge qui rendra seule le verdict. Une centaine de témoins sont appelés à comparaître à la barre. Le procès est couvert par près de 300 journalistes. Il s'ouvre début mars. L'audience s'ouvre avec cette question. Monsieur, que souhaitez-vous plaider ? Non coupable. Le ton est donné. Oscar Pistorius s'en tient à ses premières déclarations. Il aurait agi en état de légitime défense. Pistorius parle d'une relation sans dispute. Pourtant, dès ce matin à l'audience, une voisine du couple affirme le contraire. Vous ne verrez pas son visage, mais son témoignage est accablant. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillée par les cris terribles d'une jeune femme. Et juste après, j'ai entendu tirer 4 coups de feu. L'athlète a-t-il voulu ou non assassiner Riva Steenkamp, dont les dernières paroles adressées à une amie la veille de sa mort étaient, je cite, « J'ai hâte de voir le cadeau de Saint-Valentin que me fera Oscar ». Il y a 3 personnages clés dans ce procès. À commencer par la juge, Tokozil Mazipa. Elle est la 2e femme noire nommée à ce poste après la chute de l'apartheid. Elle est réputée proche des pauvres et des femmes victimes de violences. Pas encourageant pour Pistorius. Le procureur, lui, c'est Jerry Nell, réputé incorruptible et qui veut prendre sa revanche depuis la libération sous caution de l'accusé. Parce que ça, il n'a pas du tout aimé. Et il est célèbre pour avoir fait tomber Jackie Celebi, l'ancien chef de la police sud-africaine, pour corruption. Aïe. L'avocat de la défense s'appelle Barry Roux. Il s'est fait connaître en obtenant la libération du businessman Dave King, coupable de la plus grosse escroquerie fiscale de l'histoire de l'Afrique du Sud. Et là, c'est un espoir. Plusieurs enjeux sont au cœur de ce procès. Celui qui concerne les violences faites aux femmes, tout d'abord, quand plus d'un millier de Sud-Africaines meurent à la suite de disputes conjugales. D'autre part, il relance le débat sur la possession des armes à feu. Enfin, c'est un test pour la justice sud-africaine, encore perçue par certains comme trop clémente à l'égard des riches. Justement, Pistorius a dû mettre en vente la maison du drame pour payer ses frais d'avocat, qui s'élèvent à 6700 euros par jour. Au bout de 3 semaines de procès, l'athlète ne s'est toujours pas exprimé. C'est chose faite le 7 avril. Ce sont les premiers mots qu'il prononce en public depuis le drame. La voix submergée par l'émotion, entre 2 silences, c'est d'abord aux parents de la victime qu'Oscar Pistorius s'adresse. Sa déposition est enregistrée, mais non filmée. Je voudrais m'excuser et vous dire qu'il ne se passe pas un instant depuis cette tragédie sans que je ne pense à votre famille. J'essayais seulement de protéger Riva. Je peux promettre qu'elle était aimée quand elle est allée se coucher cette nuit-là. entre deux crises de larmes quand un médecin légiste vient détailler à la barre les blessures infligées à la victime. Pistorius vomit. Son avocat, lui, a passé les premiers jours de l'audience à démonter la thèse du parquet, en soulignant l'incompétence des enquêteurs. Expert en balistique, avait oublié en effet ses gants en examinant l'arme, le photographe de la police a déplacé des objets pour avoir une meilleure visibilité, et les experts n'ont pas pris la peine d'analyser toutes les marques de la porte défoncée des toilettes. Du côté de l'accusation, Jerry Nell exhume une vidéo où l'on voit Pistorius s'entraîner sur un champ de tir avec des amis. C'est beaucoup plus mou qu'un cerveau, mais ces munitions arrêteraient des zombies, l'entend-on crier après avoir explosé une pastèque avec son pistolet. Vous savez, dit Jerry Nell, que c'est la même chose qui est arrivée à la tête de Reva. Elle a explosé, regardez, je vais vous montrer. Apparaît alors à l'écran la photo de la tête ensanglantée de la victime. Pistorius détourne le regard. L'histoire ne précise pas s'il vomit à ce moment-là. Début avril, Jerry Nell repasse à l'attaque. Depuis trois jours, le procureur que les médias sud-africains surnomment le Pitbull pilonne point par point la version de l'athlète, celle du meurtre accidentel. Pourquoi avez-vous tiré ? Parce que j'ai entendu du bruit venant de l'intérieur des toilettes, que j'ai interprété à ce moment clé comme étant quelqu'un qui venait m'attaquer, votre honneur. Sa voix est tremblotante, ses réponses parfois hésitantes. La cour n'autorise pas les caméras à filmer son visage, mais sur ses rares photos, Pistorius apparaît très souvent effondré. Et quand vous avez entendu ce bruit, avez-vous commencé à tirer ou appuyé accidentellement sur la détente ? J'ai commencé à tirer à ce moment-là. Sur des intrus ? Sur la porte, votre honneur. Mais le procureur semble lassé de ses explications, persuadé que le couple venait en fait de se disputer et que le meurtre était intentionnel. Elle n'avait peur de rien, à part de vous. Elle n'avait pas peur d'un éventuel intrus. Elle avait peur de vous. Après un procès qui s'était allé sur 6 mois, alors qu'il ne devait durer que 3 semaines, la juge rend sa décision. Le visage blême, Oscar Pistorius quitte le tribunal de Pretoria dans la cohue. Contre toute attente, la journée vient de lui être favorable. Quelques minutes plus tôt, l'athlète sud-africain écoute la lecture de la très redoutée juge Mazipa. Retransmis en direct à la télévision, son exposé devait durer 2 jours. Mais après 2 heures seulement, la juge abandonne la charge la plus lourde, le meurtre avec préméditation. L'accusation n'a pas prouvé, au-delà d'un doute raisonnable, que l'accusé est coupable de meurtre avec préméditation. En clair, la juge Mazipa rend seulement coupable Pistorius d'homicide involontaire. Ce qui veut dire qu'il n'évitera peut-être pas la prison ferme, mais qu'il ne sera pas condamné à perpétuité, ça c'est sûr. Pour des milliers de Sud-Africains, c'est la déception. Ce qui devait être le procès phare de la génération post-apartheid est devenu le symbole de la faillite d'un système. Celui qui, à la suite de Mandela, devait incarner une démocratie égalitaire, juste et apaisée. Le verdict tombe le 12 octobre 2014. C'est l'image qui a fait le tour du monde. Oscar Pistorius embarque dans un fourgon cellulaire, direction la prison. Quelques minutes plus tôt, silencieux, le visage figé, il s'apprête à entendre le verdict. Derrière lui, la famille de sa fiancée Reva Steenkamp retient son souffle. 5 ans pour homicide involontaire et négligence avec arme à feu. Une sentence jugée trop clémente par les parents de Reva Steenkamp, qui toutefois se disent soulagés. Tant pis, c'est pas grave. Au moins il paiera un peu. Justice a été faite. Oui, on est satisfait. Le parquet pourrait bien faire appel de cette décision, car l'accusation avait requis un verdict pour meurtre, passible de la réclusion à perpétuité. Lorsque l'avocat d'Oscar Pistorius avait évoqué un homme brisé, le procureur lui avait rétorqué « brisé certes », mais contrairement à Reva, bien vivant. Le jeudi 15 octobre 2015, la commission des libérations anticipées accepte de relâcher Pistorius. Il sera placé en liberté surveillée chez son oncle. Mais le parquet fait appel, estimant qu'il aurait dû être condamné pour meurtre et non pour homicide involontaire. Le 3 décembre 2015, la cour d'appel requalifie le verdict des assises en meurtre et cette fois Pistorius risque 15 ans de prison. Le mardi 16 juillet 2016, il est condamné à 6 ans d'enfermement. Le parquet, jugeant la sentence scandaleusement trop clémente, je le cite, fait de nouveau appel. Le 24 novembre 2017, Oscar Pistorius est finalement condamné à 13 ans de prison. Et ce sera le dernier rebondissement d'un très long feuilleton judiciaire qui aura tenu le monde entier en haleine. Aujourd'hui, selon les témoignages, dans l'intimité de sa cellule, l'athlète déchu n'est plus l'homme suicidaire et paranoïaque que l'on décrivait à l'issue de son procès. Il se serait tourné vers Dieu et n'aurait qu'un objectif, que les parents de Reva acceptent enfin ses excuses. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'histoire d'Oscar Pistorius, dont nous allons parler avec notre invité Nicolas Herbelot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter au journal L'Équipe. D'abord, que sait-on d'Oscar Pistorius aujourd'hui dans sa prison ? Aujourd'hui, il reçoit très peu de visites. C'est beaucoup, effectivement, un pasteur, parce qu'il est devenu très très très croyant depuis qu'il est emprisonné. Et puis, il attend une éventuelle libération anticipée qui pourrait intervenir à partir de 2023. Alors, l'affaire Pistorius en rappelle une autre, celle d'O.J. Simpson, accusé d'avoir tué sa femme et le petit ami de celle-ci, ce qui a donné l'un des procès les plus médiatisés des États-Unis à la fin du siècle dernier, sauf que Simpson lui a été acquitté. On peut faire un parallèle entre ces deux histoires ? Oui, parce qu'il y avait aussi le fait que les deux étaient diffusés en direct à la télé, ce qui était une grande première en Afrique du Sud, d'ailleurs, et que, effectivement, dans les deux cas, c'est la conjointe qui a été assassinée. Après... Ça s'arrête un peu là. Dans l'esprit des Sud-Africains, c'était une autre affaire qui était vraiment dans les inconsciences. C'était celle d'un rugbyman de l'équipe nationale qui avait tué sa fille une nuit, pareil, où il croyait à un cambriolage, et qu'il voit sa voiture partir et pense que le voleur fuit dans sa voiture. Il tire une seule balle qui traverse les vitres et tue sa fille sur le coup. C'est abominable. On est plus dans cette logique-là au moment de l'affaire. Des sportifs qui ont été mêlés à des affaires de meurtre, on en a d'autres dans l'histoire. C'est de loin les deux plus célèbres, O.J. Simpson et Pistorius, c'est de très très loin. On va garder que ces deux-là. Cette semaine, ça va vous intéresser puisque vous êtes journaliste spécialisé dans le sport, donc on fait les sports sensibles, et on a parlé mardi de Maradona et mercredi de Pantani. Et là aussi, il y avait un parallèle entre deux sportifs qui... qui sombrent dans la drogue, qui connaissent la mafia, des destins brisés, comme cela. Dans le cas de Pistorius, alors l'un des fantasmes qui s'est développé autour de l'avantage que pouvaient lui conférer ses prothèses, c'est celui de l'homme-machine qui pourrait rivaliser avec de simples humains. Alors, je ne sais pas si c'est une thèse plausible. J'ai épinglé ça tout à l'heure dans le récit. Ce débat avait quelque chose d'un peu indécent entre un handicapé qui devient qui a plus d'atouts qu'un valide. C'est vrai que dit comme ça, c'est assez choquant. Finalement, il y a un débat. Si on va loin, il y a un vrai débat. Oui, dit comme ça, c'est assez choquant. Mais tous les tests de biomécanique qui ont été faits prouvent que c'est le cas. C'est-à-dire que, à minima, si vous voulez, on peut s'entendre sur une chose, c'est que ça n'est pas la même course à pied. Voilà. Le coureur à pied, par définition, on parle toujours du fait qu'il ait du pied. Et le pied, quand d'un athlète, c'est l'enchaînement pied, tendon d'Achille, mollet. C'est la particularité de l'athlète. Mmh. S'il est doué là-dessus, il pourra devenir un grand coureur à pied. S'il l'est pas, ça va être compliqué. Donc là, on nie, en fait, le principe même de la course à pied. Il ne peut pas souffrir des mollets, de ses tendons d'Achille, etc. Allez. Donc dans le cas de Pistorius, ils avaient observé, les biomécaniciens, que son handicap était vraiment pénalisant au départ, mais que son deuxième 200 mètres, effectivement, était plus rapide que le premier. Et ça, c'est absolument inconcevable pour un valide. Sur un 400 mètres, le deuxième 200 mètres est forcément plus lent, parce que justement, le lactate monte, que musculairement, ça devient extrêmement douloureux. Et lui ne ressentait pas ces douleurs-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, ne plus faire courir ensemble des valides et des handicapés? Voilà, c'est bien pour ça qu'on a invité les Jeux, on a inventé les Jeux paralympiques. Eh bien oui. C'est justement pour que les athlètes handicapés aient aussi l'opportunité de faire leurs Jeux Olympiques à eux. Mmh. Donc ça veut dire que cette idée de les mélanger, elle est pas, j'allais dire, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas été validée, sans jeu de mots idiot, mais bon, voilà. Elle n'a pas vraiment de sens, puisque au sein même des Jeux Paralympiques, il y a différents handicaps, chacun à sa course. On n'imaginerait pas un handicapé, par exemple, des deux bras, qui courrait avec un handicapé des deux jambes. Chacun a son handicap. Oui, bien sûr. Dans les Jeux Paralympiques, il y a un nombre de courses incroyables liées à chaque handicap. Donc les valides sont valides, c'est une seule et même catégorie. Les Jeux paralympiques, enfin le handisport, on peut dire que c'est une formule qui a fonctionné, on peut en tirer un bilan positif depuis qu'on a inventé cette oui, formule. Oui, et de plus en plus, vraiment. Alors c'est malheureusement pas encore très vrai en France. Mais par exemple dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, franchement, pour des épreuves paralympiques, il peut y avoir des stades bondés. Mmh. Les Jeux paralympiques à Londres en 2012 ont été un succès incroyable. C'est vrai. Et c'est en gros développement. On peut espérer qu'avec Paris 2024, ce sera aussi le cas en France, que cette reconnaissance viendra à ce point. Il y a des sports qui sont des sports vedettes dans le handisport, plus que d'autres. Non, on retrouve en gros les mêmes que pour les Jeux valides. Mmh. C'est-à-dire il y a une primeur toujours à l'athlétisme aux Jeux olympiques, mais il y a des choses. Alors après il y a des particularités. Par exemple il y a du cécy foot pour les aveugles. Enfin il y a des tas de effectivement de sports qui sont adaptés à des handicaps très différents qui n'existent pas chez les valides. Cécy foot, je ne connaissais pas. Oui, pour aveugles, oui, avec une balle qu'on fait rouler au sol et qui fait du bruit. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Formidable. On va se retrouver dans 3 minutes, après avoir écouté Lou Doyon, Claim Me. Et dans 3 minutes, on reprend. I've been running around, looking for me in town, hoping for something to sparkle my mind, cause I've been out of touch, lost within, bought without, I sit chain smoking. I am to the bars. Yes, my laugh has turned fake and my tears have turned dry, but my bluff is so fair, no one takes the time. But you were as fly and come crying me. Yes, you were as fly and come crying. I've been killing my time for too long, but no, I don't even know how to catch back with the flow right now. Nothing feels right and I'm glued to the floor, and everything I try I did better before. So I do and undo myself every night. I tear off the mask and I put up with the fame. But you sure as flat and come climb the hills. You sure as flat and come climb the hills. Come climb the hills. Come climb the hills. Looking for me in town, open for something to sparkle my mind, cause I've been out of touch, lost within, bored without, I sit chain smoking and I empty the bars. Yes, my laugh has turned fake and my tears have turned dry, but my bluff is so fine, no one takes the time. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Nicolas Herbelot, à la question « Oscar Pistorius est-il handicapé ?», la réponse est oui, évidemment. Si on lui pose la question à lui, je ne suis pas certain que ce soit la même réponse. Non, il a vraiment grandi comme un enfant normal. Quand leur mère les appelait, lui et son frère, pour sortir, elle disait « Karl, mets tes chaussures, Oscar, mets tes jambes ». Et voilà. Et pour lui, ses jambes, c'était finalement ses prothèses n'étaient que des jambes. Il a grandi avec des jambes. Il se voyait pas comme un handicapé. D'où la pratique de sport invraisemblable pour un handicapé avec des prothèses, comme le rugby par exemple. Parce qu'à la limite, courir à pied, pourquoi pas. Jouer au rugby, on imagine à quel point ça peut être plus compliqué. Et lui, il n'avait finalement, ça lui semblait totalement logique de participer à des compétitions parmi les valides, parce que c'est ce qu'il a fait pendant toute son enfance. Il jouait au rugby avec des valides. Il courait parmi des valides. Oui, donc pour lui, c'était naturel. C'était totalement naturel. Ouais. Alors, les Sud-Africains, à travers leur sport, ont connu quelques drames. Hier, nous parlions des Springboks et quatre d'anciens champions du monde qui se retrouvent avec des maladies neurodégénératives, genre maladie de Charcot, une maladie horrible, qui serait liée au dopage. Est-ce que notre ami était aussi dopé également ? Pistorius. Est-ce qu'il y a eu des soupçons de dopage? Non. Il a été contrôlé abondamment. Enfin, évidemment, en tant que champion, il l'a été assez abondamment. Non, le seul dopage dont on parlait pour Pistorius, c'était un dopage technologique. Qui était lié à ses prothèses. Parce que, à l'époque, en plus, les prothèses, peu avaient un sponsor comme Osour capable de lui faire des prothèses aussi performantes que les siennes. Oui, donc, aussi personnalisées. D'ailleurs, en 2016, quand il se plaint effectivement de perdre face à un Brésilien qui aurait des prothèses plus longues, plus performantes que les siennes. On voit bien à quel point la technologie pour des athlètes handicapés des membres inférieurs est essentielle. Donc en fait, tout se résumait à ça. Après, finalement, l'histoire de Pistorius parmi les valides, la vérité, c'est qu'il n'était pas super performant. À aucun moment, il est rentré dans une finale parmi les valides. Oui. Donc, ben c'était, c'est pour ça que certains disaient, mais après tout, laissons-le faire. Le problème pour la Fédération internationale, c'était de se dire, on crée un précédent. Et on l'a vu avant les Jeux de Rio, en 2016. Il y avait un athlète allemand qui était sauteur en longueur, Markus Rehm, qui avait une prothèse, qui sautait sur sa prothèse et qui arrivait à être parmi les meilleurs mondiaux. Et là, on s'est dit stop, quoi. Stop. Alors, on rappelle que ce n'est pas d'hier que les handicapés viennent se mesurer à des valides. Alors, vous me dites si je me trompe. Hein. En 1904, aux Jeux de Saint-Louis, l'Américain George Hazer remporte 6 médailles, dont 3 en or, en gymnastique, hein, avec une jambe de bois. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres épisodes comme ça. Oui, il y en a eu aussi en équitation. Oui, on a exhumé quelques histoires. Hein. C'était pas un cas isolé, c'était pas une première. Hein. Simplement, celle-ci a eu une caisse de résonance unique dans l'histoire. Au final, une question reste en suspens, la question de la préméditation. Vous avez suivi l'affaire. Est-ce que vous avez une conviction personnelle, intime, sur le meurtre? Est-ce qu'il a menti? Est-ce que... C'est difficile de le dire. Alors, mais... Il est bien évidemment le seul à savoir réellement ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'autres témoins que lui. Moi, j'étais au départ plutôt partisan de ceux comme la police, comme le procureur Gérinel, qui pensaient que c'était une dispute qui avait vraiment mal tourné, quoi. Sans parler nécessairement de préméditation, ça dépend ce qu'on entend par préméditation, quoi. Mais en tout cas, qu'ils savaient qu'ils tiraient sur elle. Et puis en réalité, je trouve qu'ils n'ont jamais pu apporter aucun élément confirmant cette thèse, ni avec les échanges de téléphone portable, ni ce qui avait été dit initialement, qu'il avait pris le temps de mettre ses prothèses pour aller jusqu'aux toilettes. En réalité, non, il était sur ses genoux. Je trouve qu'ils n'ont jamais pu démontrer, et c'est d'ailleurs probablement pour ça que dans un premier temps, la juge avait été aussi clémente avec lui. C'est parce qu'en face, elle se retrouvait face à une demande de crime avec préméditation, alors que la préméditation n'y était pas. C'est pas parce qu'il était blanc, c'est pas parce qu'il était riche. En tout cas, il s'est pas démontré. Ouais. Non, franchement pas. Surtout pas cette juge-là. Surtout pas elle. Bon. Prochains Jeux Olympiques au Japon. Oui, bizarre. On s'en approche, en juillet, une année impaire. Oui, mais bon, dans des conditions différentes, comment vous les voyez ces Jeux? A priori, sans public, enfin, ou en tout cas, s'il y a public, les Japonais ont d'ores et déjà dit que ce serait un public japonais, avec des jauges réduites, donc ce sera forcément assez étrange. Mais là où on en est, on est prêt à prendre à peu près tout ce qui vient. Oui, absolument. Merci infiniment de Nicolas Herbelot de nous avoir apporté vos témoignages de spécialistes du sport et de l'athlétisme en particulier. Au revoir. Merci, au revoir. C'est Affaire Sensible aujourd'hui. Oscar Pistorius, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Léon. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Constance Villanova, Adrien Mora, Adrien Cara, Guillaume Malandras et Vincent Lebrun. Attaché de production Rebecca de Nantes, programmation musicale Muriel Pérez, coordination Christophe Barrère, lecture Aurélien Labruyère, réalisation Marion Lelay, Coyenne Guyenne et Benjamin Riquet.